Géraldine Mosna-Savoie, vous allez à présent nous dire ce que vous faisiez hier soir. Eh bien Chloé, je n'étais pas du tout en train de relire le traité des vertus de Vladimir Jankélévitch quand je suis pourtant tombée sur un énième commentaire concernant l'affaire Ibiza de Jean-Michel Blanquer, énième commentaire concernant ses non-excuses sur ses vacances symboliquement douteuses dans le froid espagnol. Et il se trouve que l'on trouve dans ce traité des vertus, deuxième livre, deuxième volume Chloé, hein, écoutez bien, dans un chapitre sur le pardon, ce passage fort intéressant à propos de l'excuse. L'excuse a besoin de raison pour acquitter le coupable, car l'excuse, excusant la faute par des circonstances atténuantes ou constatant que la faute est nulle et non advenue, est conservatrice et nivelante. Oui, mais c'est du Jankélévitch aussi, donc voilà. Me voici alors muni d'un sujet tout trouvé. Que peut bien valoir une excuse? Alors, comme vous l'avez entendu, selon Jankélévitch, mais sûrement d'ailleurs, je crois, selon le reste du monde, on peut dire que l'excuse excuse, c'est-à-dire qu'elle procure des raisons dans le but d'atténuer la faute. C'est plus ou moins d'ailleurs ce qui était attendu du ministre de l'Éducation nationale, qu'il nous procure des raisons. Pourquoi Ibiza? À ceci près que personne n'attendait que ces raisons atténuent quoi que ce soit à sa faute, certains ne voyant aucune faute et les autres ne voulant admettre la nullité de celle-ci. De là, une interrogation qui dépasse, je crois, largement le cas Blanquer, l'excuse sert-elle encore à excuser? J'imagine que vous ne parlez pas en termes juridiques, Géraldine, mais dans des termes moraux. C'est ça. Et contrairement à ce qu'énonce donc Jankélévitch, si l'excuse a besoin de raison, elle ne semble pas forcément conserver et encore moins niveler la situation. Si on pardonne une personne qui nous a trompés, ce qui est bien différent, car le pardon pardonne ce qui est inexcusable, on n'excuse pas son mari adultère. D'où cette question, si l'excuse ne conserve pas, si elle ne nivelle pas, si elle n'acquitte pas, si elle n'atténue rien, à quoi bon? Bon, alors on a quand même bien une petite idée de son utilité, non pas forcément d'éclaircir ou de justifier, mais alors quoi? Eh bien tout simplement que la faute soit formulée par le coupable lui-même, qu'il reconnaisse qu'il a failli. L'excuse ne sert pas à rien, Chloé, elle tient de la performance, celle qui rend le fautif publiquement coupable, et ça d'ailleurs même dans la sphère privée. Celui-ci devant, dans le même temps et par l'excuse, se déclarer coupable et tenter de s'absoudre. Ce qui est tout de même paradoxal, et je m'exprime toujours à travers vous, Géraldine, dans le domaine de la morale, bien sûr. Exactement, Chloé. C'est là le paradoxe de l'excuse, non pas seulement dans le fait de reconnaître et d'atténuer sa faute simultanément, mais dans le fait de fournir des excuses sans pouvoir s'excuser soi-même. Alors vous me direz, encore heureux, un coupable ne peut quand même pas et commettre une faute et s'en acquitter lui-même. Vous voyez, comme ces enfants qui disent pardon tout en étalant de la purée sur la table et qui pensent que ça va passer. Mais non. Aucun pouvoir n'est détenu par celui qui s'excuse, qui, en commettant la faute, a fait la faute d'être coupable, mais surtout d'être jugé, de s'en remettre entièrement à l'autre, de prendre ses responsabilités tout en perdant la sienne. Ce qui, quand on y pense, donne par contre un immense pouvoir à celui à qui on présente ses excuses. Celui-ci, réussissant dans l'histoire de la morale, le tour de force d'être à la fois juge et partie, et qui, d'excuse en excuse, en vient à se délecter de ce spectacle. Et c'est bien là le problème, car l'excuse devient alors le contraire d'elle-même, elle n'excuse rien, et s'excuse encore moins d'elle-même, et nous voici ainsi à la cultiver, réussissant à chérir la moindre faute, tout en banalisant la culpabilité. Merci Géraldine Mosna-Savoie.